Qu'est-ce que c'est que ce bordel? This is the sounds of Ebony Bones. Thank you. On me voit en désaccord gueuler après les flics, comme certains poètes pathétiques. Ça va bien? Ça va bien, Gaétan? Oh, Gaétan est préparé ce soir-là, tout de toute beauté. J'aime bien ses rouleaux-rouleaux. Ses rouleaux-rouleaux, ouais, oui. Là, il faut... hein? Ah, non, non, ben, je suis pas en train de rire de toi, Rita. J'ai ri avec toi. Je sais que tu... C'est à travers le rire que l'on rit. C'est à travers les pleurs que l'on pleure. C'est à travers la réflexion qu'on réfléchit. Hey, je dis pas n'importe quoi à soir, celui-là. Hey, non, il se dit pas n'importe quoi à soir. Il se dit pas n'importe quoi à soir. Ah ouais, mon petit espoir. Ah là là là, il a mis en noir. Ah ouais, toute la carrière. C'est très mauvais. Là, c'est la transe orientale. Moi, j'ai dit cybernidale. Cybertombale. Tombale de finissant, mon petit champion. Là, t'arriveras pas habillé de même. Tu ressembles à Ghetto Guitry dans son film Poil de pluche. Non, c'est un film d'auteur. Un film d'auteur. Quel auteur? Oh, de 3 pieds et demi. Ah, mais c'est combien de mètres, ça, ma belle enfant? Elle calcule. Ah, hein, mon dieu, là, tout petit qui est. Hein? Compte pas ton brin d'herbe, toi, là. Brin d'herbe. Elle est tellement petite. Non, mais pas au niveau intellectuel, au niveau de la grandeur, là. Ouais. Non, mais tu restes avec moi, là? Avec nous? Avec vous? Avec lui? Hein? Avec elle? C'est maintenant, toi, hein? T'es avec elle, avec lui, avec nous. Hein? T'es parti. T'es parti partout. On me voit en désaccord gueuler après les flics comme certains poètes. Pathétique. Pourquoi tu te sens même pathétique? Je vais vous le raconter. Lorsque vous allez écouter les bonus de l'errance de ce soir, vous allez savoir pourquoi je dis pathétique. Mais je recommence. On me voit en désaccord gueuler après les flics comme certains poètes pathétiques. Pourquoi tu t'arrêtes à pathétique? Hey, mon tabarouette, toi. Reste tranquille, couche-toi, puis mange ton os. On me voit en désaccord gueuler après les flics comme certains poètes pathétiques. Je voulais de l'amour, je récoltais la mort, la création tentait de se barrer. De la façon la plus grossière, j'envisageais mal cette affaire. Il ne me restait plus que ma voix pour crier. Le grand livre voulait simplement se fermer. Et le texte terminé. Se terminer. Le texte se terminer. Qu'est-ce que c'est pas? C'est une ébauche. Oh, en parlant d'ébauche, il y a des coins de la ville de Québec où... Ce n'est pas juste la gauche. C'est presque la débauche. Prends ton grabat et tire-toi. Oh mon dieu! Eh, mais c'est ça qu'elle a fait. Elle s'est étirée. Ah oui. Plus elle s'étire, plus elle est belle. Le matin, elle s'étire le cheveu. Le soir, elle s'étire le thorax. Comment ça, le thorax? Ben oui, elle chante. Oh mon dieu, c'est la folle qui chante. La folle. Oui, c'est la folle. On lui écrit des paroles aussi de électrisant. Non, je voyais hydro. L'hydro. C'est toi en haut dans le poteau. Le poteau. Ça dépend de quelle région, hein. On dit poteau, petit. Non, c'est pas ça. Poteau. Le poteau feu va. Non, c'est ça, mais du jus, ça va brûler. Ça sent bon, hein. Le bon poteau-feu. Les plats mijotés en hiver, c'est un régal pour l'été. Comment ça? Ben, tu mets ça au congèle. Fait que si tu fais du mijoté en été, t'es une cymbale, toi, là. On te frappe ensemble, puis ça résonne. Hey. Avez-vous déjà traité quelqu'un de cymbale? Hey, ma cymbale, toi! Ce serait bon, là! Ce soir, on va monter un projet. Quel projet? La cymbale s'amuse. Oui, la cymbale s'amuse. Non, mais on oublie quelques instruments de musique qui sont extrêmement importants dans un orchestre symphonique. Le gars, le son est tellement cristallin, il est tellement fort et tellement dur pour l'oreille qu'on le place dans le fond. Ah ouais, le bouffon dans le fond. Oh mon Dieu Seigneur, moi j'ai déjà été bouffon. Je faisais pas le clown, moi. J'étais dans un groupe de majorettes, des étincelles de Port-Cartier. Oh, c'était merveilleux. Merveilleux. J'étais pourri dans les drapeaux. Oh, non, on m'avait placé avant au fusil. Ah, tu tirais tout le monde? Non, moi, je tirais, j'ai tiré, je me suis tiré. Oh, il y a une lombaire. Ils m'ont dit, il ne peut plus me lever de fusil. C'est un gars de gauche, un gars de gauche, un gars de gauche, un gars de gauche. Ben voyons, non, il ne peut pas. C'est pas un violent. Lui, là, à part sa brosse à dents et son bikini, je n'ai pas de bikini, moi, j'ai un... Non, on ne peut pas dire de marque, OK. J'ai un soutien rénal. Oh, ça soutient pas grand-chose. Ah, mon Dieu. Mais comme je dis à ma troisième épouse, les meilleures peaux sont les petits onguents. C'est pas ça, l'adage? Non, l'adage, c'est pas important. C'est moi, c'est que je redonne vie aux adages. Oh, t'es un vidage d'idées? Un vidage d'idées. Un vidéo d'ido? Un vidéo d'ildo. Un dildo bideux? Oh, mon Dieu. Hein? Madame Thibodeau, oui? Non, non, on était... Ben, depuis quand qu'on dérape, madame... Hein? Regarde-moi, t'es avec la censureuse, là, pis hey, on prend des notes, Monsieur Grenier, on prend des notes, là. Il y a des choses qui peuvent pas se dire à la radio. Ben, je sais. Pis hey, avant, on va parler de radio à travers la radio. Ça, c'est important, c'est très bien. Puis on reviendra la semaine prochaine avec celle-là, mais je l'aime, ça. Il fait froid dans le monde. Ça commence à se savoir. Il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Ça, c'est le traducteur qui traduit. Et dites pas entre amis demain soir, là, parce que c'est samedi. Ah, le bonhomme à radio, il a dit traduiseur. J'ai pas dit traduiseur, j'ai dit traducteur. Dans votre tête, là, c'est rentré traduiseur. Traduiseur, moi, je suis un traduiseur. J'ai traduisé pendant 2 ans, moi, je suis un grand liseux, moi. Ah, oh, j'ai lisé Luzette. J'ai lisé Luzette, coupé mince dans ma petite sauce à ta bioca, à ta poco, tapaki, tapaka, tapaka, tapatate. T'as pas le droit de dire ça, toi, là, voyons donc, coupe. Ben oui, la censeuse est là, il dit couper. Faut pas oublier des gens comme, en parlant de sauce, Claude Lelouch. Ah, mon Dieu! Qui, lui, pas si vous avez suivi des émissions d'Errance Rénaldine, mon Dieu, je suis bien à TV. Ben oui, ton éclairage est vers toi, puis t'as pas mis du fer à joue. Ben voyons donc, je suis pas un fer à joue, moi, là. Tu me prends pour le drag queen Reynald de Garnier. Oh, je l'ai vu, lui. Attends-nous autres. Il est très haut, lui. Oh, c'est très haut, très haut. Trésor, regarde le minable au fond là-bas. Oh, Trazo. Madame Trazo, oui, vous êtes. J'ai des opinions sur tout. Vous êtes à TV, je suis à TV, à radio. Radio-Canada, TV-Canada, tout est Canada. Oh mon Dieu, vous êtes tellement belle. Merci, mon intelligence aussi. Votre intelligence, là, est à la mesure de ma déconcertation. Oh mon Dieu, ça peut être des concertations, madame, c'est bon ça. Allez voir sur bubblebat.com, bubble, c'est pas ça, c'est Google Map, ça c'est pour savoir les endroits, là. Oui, là. Où est Rio, madame? Ben là, t'as vu, à Rio lequel? À Rio, t'as plus, c'est en venant de Rio, non, c'est pas Rio, c'est Rigo. Où est Rigo? Rigo, là, il est dans le bol. Il chauffe sous la marmite avec une sauce béchamel, des petits oignons, un petit peu de carottes, pas beaucoup de carottes, Bugs Bunny, carottes, ah c'est carottes, mais ouais, moi c'est carottes, la bonne carotte, bien croustillante à souhait, là. À vos souhaits, merci. OK. Alors, on me voit en désaccord, on le dit, lâche le désaccord, toi et mon désaccordé. Oh, c'est bien dit, ça, madame. Le désaccordé. Jerry cassa la blague en 1000 histoires d'humour. Ça, c'est mon Marc Favreau. Ou mon lendemain de veille d'hier au soir. Okay. Les bas-fonds, excusez-moi, madame. C'est dégueulasse à l'audition, je sais, c'est, ça fait mal. Ça fait saigner les tympans, ça fait rire les moineaux. Les bas-fonds pour une compagnie créole sort de ce corps. C'est vrai, c'est important. On va faire un exercice. Pas encore un exercice. On va faire sortir la compagnie créole de ce corps. Le corps rénaldien. Ah mon Dieu, c'est pas une poitrine? C'est deux cuisses, une poitrine puis pas de tête. Oh, c'est comme une poule pas de tête. Hey, je vous invite à venir le voir là, dans sa petite épicerie. Ah, il est plus là, il est où? Il est parti. Comme un petit poulet. Mais, moi, c'est ça. Alors donc, on va arrêter ça. Ça me fait rire, là. Ça fait rire les oiseaux, ça fait comme les souris. Oui, t'entrain, papam, fais ton pam, papam, rire les oiseaux. OK, exorcise-toi et sors de ce corps, compagnie créole. Couche-toi. Qui est la compagnie? Non, toi-même. Mais toi, t'es vraiment une industrie à toi tout seul. L'industrie du 7e art. L'industrie musicale. L'industrie de l'humour. Ah, mon Dieu, ouais. Mélangé. L'industrie, tout court, parce que tu boucanes. L'industrie du tabac, peut-être, ou du papier, du paper, paper after mine. T'as une drôle de mine. Ben, j'ai roulé mon rouleau, moi, là. Je reviens de 8 heures à 12 heures. 12 heures chez nous. 12 heures de travail. J'en ai roulé du rouleau. Ah, c'est... Là, pour pas l'oublier, là, ce matin, là, parce que j'ai fait tout mon corps de nuit. On continue à rouler du rouleau. Ah, oh, je vais enrouler un petit rouleau, là, puis... Oh, c'est ça, un bon émission, il resterait derrière, là. Qu'est-ce que tu fais là? Je dégonfle. OK! Jerry cassa la blague en mille histoires d'humour. Merci, Jerry Lewis. Les bas-fonds peuvent attirer chacun d'entre nous sans même le savoir. C'est seulement lorsque l'on regarde en haut que l'on se rencontre de la chute. Je sais que j'ai dit rencontre, mais c'est rencontre. Dans la rubrique réplique inutile, il faut ce qu'il faut, on tient nos rôles. On avait dit, on rit, on a le pain. Une simple histoire comme la nôtre. Et dans, trop bien. Salut Gaétane, ça va pas, je sais que tu es ce soir devant les dames où j'ai déjà vécu. 26 années inachevées, même si tu viens prendre ton café, je n'y serai plus, même si tu ne plus. Oh, on s'est aimé. Alors depuis quelques jours, après le 31 mars, je suis devenu un chanteur impopulaire pour un public de misanthropes. Monsieur le Président, Monsieur le Patron catholique, Mesdames les Voluptés et vos chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? On y va, l'Errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs et visuels. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Votre entité à volonté, comme la salade à volonté. C'est pas bon, c'est quand c'est à volonté, là, c'est de la chenoute. Je vous le dis, c'est pas bon. Couchez, pas bon. Pas bon. Ce qui est bon est offert avec modération, présentation soignée. On vous garoche pas ça dans la setup. Tu peux manger, mon champion! Ouais, mais c'est pas très, très... Esthétique? Bah, l'esthétique, c'est de la nourriture! Ben oui, mais là, c'est... ça sent... Ça sent la bonne nourriture! Oui, mais comment ça, il y a des petites mouches noires sur le dessus? C'est des protéines! Des quoi? Des protéines. Des protéines? Des protéines. Oh! Alors, faut-il courir après les mouches? Tu prends ta cuillère, tu les attrapes au vol, tu les mets dans ta bouche. Ouais, OK, puis la nourriture. Ils vont s'en nourrir. Et toi? Tu peux t'en nourrir aussi. OK. Donc, c'est pour les mouches. Pour les mouches, c'est pour l'invité qui veut manger la nourriture de mouche. Oh, monsieur. Il y a un court-circuit dans le micro. C'est peut-être ça. OK. Bienvenue à l'émission à la douce rénalité. Tu vas avoir l'explosion. Suis-toi un petit peu. Merci. À l'histoire fine. C'est dégueulasse, tes missions, là. C'est dégueulasse, monsieur Thibodeau. Ah oui, mais on n'a plus de moyens. Là, c'est vrai, on n'a plus de moyens. On n'a plus de moineaux, on n'a plus de moyens. On s'est tout fait couper. On s'est tout fait couper. Puis on voulait payer, on était là, on veut payer. Avec le drapeau blanc, là, c'est beaucoup plus. We are the world. Hein, on y croit. C'était là avec ta mitraillette. On veut couper! Là, les gens vont s'imaginer qu'ils veulent. Hein, ils veulent se faire couper la vie, là, et que vous voulez leur couper la. Bienvenue à la douce rénalité. À l'histoire finement improvisée avec votre. Votre qui? Votre coucoupidou! Votre magicien du surréalisme rénal de l'Onéant. Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 4 avril 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne Delphine Depardieu. Je suis sûr qu'elle n'a rien compris de ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est ça. Alors, oh, allô? Madame Dubé elle-même était là. Qui? Allô? Madame Dubé elle-même était là. Peut-être. Elle est décédée. Madame Bibelot? On entend votre cœur qui bouge. Est-ce que c'est votre cœur? Est-ce que c'est vous? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est simplement le... Non, c'est elle. Mais non, c'est... Ah oui, je connais ça, moi. Tu connais quoi? Je connais rien, mais je connais ça. Ça, c'est bon. Il connaît rien, mais il connaît ça. Moi, c'est le Québécois moyen, hein? Ah non, mais moi, je connais pas grand-chose, mais ils s'en viennent, hein? Ils s'en viennent vers le haut, puis ils vont descendre, puis ils vont rentrer dans le nombril. Toutes les informations vont rentrer par le nombril. Peux-tu fermer la gouine? Alors, à toutes les... Merci. Attendez. Oh! Grande sonorité qui sais-tu? Nous te respectons. Rénal, qui un jour présenta sa meilleure émission à CKRL. Nous le respectons. Nous te respectons. Petit torchon seul devant le Japi Toto qui cherche sa langue sous le carpet. Non, sous le tapis, excusez-moi, carpet, c'est carpet. Carpet, crazy carpet. C'est l'anglais. Madame Marois, je m'excuse. Nous te respectons. Merci. Et tous les pigistes qui aujourd'hui pigent dans la caisse, nous les respectons. Nous te respectons. Même si ce soir, à 00:32, l'horloge ose encore trotter grâce à moi. Vous me respectez. Nous te respectons. Depuis aujourd'hui, je suis devenu le Missy. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur. Le Missy, de Missy à 14 heures. Alors, merci de me respecter. Nous te respectons. Comme les assistants gérants, on doit ce soir me dégonfler la tête pour pouvoir me faire pénétrer dans les portes. Il faut me respecter. Nous te respectons. Et si vous me voyez... Respectez-moi. Nous te respectons. Merci. Si vous... Mais voyons donc, si vous... Hein? Nous te respectons. Merci. Je vais le dire. Si vous me voyez entre deux sacs de poubelle, deux sacs à ordures, et dans le milieu, je dis... C'est moi. Aidez-moi, Respectez-moi. Je te respecte. Vous me respecterez. Delphine est une actrice française née le 8 mars 1979. Elle est la fille du producteur de cinéma Alain Depardieu et la nièce de Gérard Depardieu. Formée à l'École internationale de création audiovisuelle et de réalisation, la EICAR, au cours Simon et au cours de Jean-Laurent Cochet, elle est vite attirée par la scène et le cinéma. Au théâtre, cette dernière... Au théâtre, avez-vous remarqué? J'ai dit au théâtre, parce que c'est beau le théâtre, ça. On a senti le rideau là-dedans, au théâtre. Comme disait Molière. Molière. Du aujourd'hui. Merci. Elle est vite attirée par la scène et le cinéma. Au théâtre, ces dernières années, on la trouve aux côtés de Roland Giraud, le grand Roland Giraud, et Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul Belmondo, Alexandre Brasseur, le fils de Jean-Claude Brasseur. Oui, c'est lui qui a joué dans le grand film avec le mime Marceau. Là. Ça, c'est son grand-père. Comment s'appelle-t-il? Donc, Les Oiseaux du Paradis. Les Oiseaux du Paradis, c'est l'endroit où les prolétaires pauvres... Normalement, quand t'es prolétaire, t'es pas riche. Non, non, mais aujourd'hui, en 2014, il y a des prolétaires très riches qui se font passer pour des petits minables. Il y a une bonne gêne. Pouvez-vous me passer une cigarette? Pardon? Pouvez-vous me passer une cigarette? Vous passez une cigarette? Passez une cigarette? Ben, passez-vous-la ou pendant, hein? Bon. En juillet 2013, Errance Renaldienne se trouverait là à Paris pour rencontrer cette... Oui, c'est ça. Comme je le disais, Les Oiseaux du Paradis, c'est... Au-dessus du balcon, sur le toit. Ben oui, on voit pas la pièce de théâtre sur le toit. C'est une blague. C'est en haut, là, en haut. En haut, tu vois là-bas les enfants du paradis. Parce que tous les enfants qui étaient en haut se tiraient en bas, puis là, ils allaient au paradis, les enfants du paradis. En juillet 2013, ça va bien. En juillet, Errance Renaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cette sublime, incroyable comédienne. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. On s'arrête ici et voici la musique. Vous le charme, vos sourires nous attirent, nous les âmes. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Vas-y Gérard. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Peut-être. Vous les femmes. Vous mon drame. Vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable. Que nous sommes, moi Gérard. Vulnérables, misérables, nous les hommes. Nous les diables. À vous les femmes. Ça va très bien, merci. Dès qu'un autre vous sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Ah, c'est des flattes partout. Vous les femmes, oh Gérard. Vous le charme, vous le charme. Vos sourires nous attirent. aidez-nous les âmes. Pauvre diable, pauvre diable, que nous sommes, ah, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les âmes. Merci. Parce que malheureusement ou heureusement, lorsque tu apprends un récit, une narration, tu peux avoir un blanc de mémoire. Oui, oui, bien sûr. Alors, comment tu peux pallier à ça? Parce qu'il n'y a pas des souffleurs qu'on, non, c'est fini, régulièrement, ça. Même c'est très rare. Ben, c'est fini maintenant. Oh, c'est ça, à une certaine époque, oui. Ben, quand il y a un trou, tu fais ce que tu peux pour t'en sortir. Alors, l'improvisation a une place? Voilà. Mais est-ce l'improvisation? Ben, ça fait... Oh, ben, écoute, oui, ça peut... Tu n'as jamais joué dans une ligne nationale d'improvisation? Non, non, ça me fait peur, par contre. Okay. C'est faux. C'est ouais. C'est ça. Mais j'ai des amis qui font ça. Mais moi, ça me fait peur, ça. Je sais pas, je me dis, oh là là, je vais pas y arriver. Et en même temps, tu fais ça dans la vie tout le temps. Donc, ouais. Pourquoi ne pas se servir de la vie pour après jouer sur scène? Mais l'impro, de toute façon, tu es bien obligé si tu as un trou. Sauf que tu dis, on fait ça dans la vie. Oui, oui, tu as raison. Mais sauf que... Dans la vie, il n'y a pas 300 personnes qui te regardent. Et oui, mais c'est ça, mais c'est ça qu'il faut oublier. Parce que si tu arrives à faire comme dans la vie, sur une scène regardée par 300 personnes, bah, tu as gagné. Parce que finalement, ça veut dire que tu es tellement à l'aise que tu oublies tout. Donc c'est, crois-tu qu'on peut être à l'aise au tout début de sa carrière autant qu'à la fin? Ou avec non, les non, années, parce, que, non parce que oui, parce que je pense que l'expérience... t'amène, voilà, comme je te parlais de respiration tout à l'heure, c'est le fait d'être confiant, d'être bien sur scène, de respirer amplement, et ça, je pense que ça vient avec l'expérience. Tu as l'habitude d'être sur scène, c'est chez toi, alors tu es de plus en plus chez toi, et chez toi, tu t'y sens bien. Donc, plus tu t'y sens bien, plus tu es à l'aise, et plus tu transmets ce que tu as envie de transmettre, et pas ce que tu transmets par-devers toi. Oui, bah, je pars donc en tournée et puis après j'ai des projets de théâtre pour janvier et ainsi que des projets de ciné quoi, qui sont en train de se monter. Et quand tu as des projets de théâtre, est-ce que tu as déjà est-ce que tu commences à mémoriser le texte? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, je le travaille. Alors après moi je le lis et puis après je me fais un planning, 10 pages par jour. Si j'ai 100 pages à apprendre, 10 pages par jour, comme ça me fait 10 jours. Mais il faut avoir de la mémoire. Ça. Ah oui, bah ça, si t'en as pas, t'es dans la... Oui, plus t'apprends, plus t'apprends facilement. Plus tu... Plus... Oui, c'est un muscle. Et lorsque... Ouais, mais c'est ça, ce muscle-là. Après plusieurs années, est-ce que... Oui, parce que t'as... En efface un nom. Est-ce qu'un texte en efface un nom? Non, pas forcément. Certains oui, moi j'avais dû reprendre un texte très rapidement en une semaine. Je devais reprendre remplacer quelqu'un. Et ce texte-là, par exemple, c'était un texte de Molière. Bon, et ben j'ai tout oublié parce que j'ai fait appel à une mémoire. Ça faisait combien de temps quoi? Ben, le premier Molière avant de revenir avec ce Molière-là. Ah non, on m'avait appelé pour reprendre un rôle en une semaine. Que je ne connaissais pas. Voilà, que je ne connaissais pas. Donc j'ai dû l'apprendre en une semaine, un rôle assez important. Donc je l'ai joué après. Mais tu fais appel à une mémoire rapide, je ne sais pas laquelle. Voilà. Et ce qui fait que tu le sais pendant le laps de temps des représentations, un mois, deux mois, et après... pour le coup, mais j'avais joué moins qu'un mois. C'est pour ça qu'après, quand j'ai lâché le texte, ben, il est parti très vite, parce que j'avais fait appel à une mémoire instantanée, comme tu dis. Et après, ben, je ne sais plus une ligne de celui-là. Si je le réapprends, je l'apprendrai plus facilement, parce qu'il y a ce petit côté qui va se réouvrir. Mais sinon, là, te le redire comme ça, ce serait impossible. Est-ce que ça t'arrive, parce que je connais des pièces de théâtre qui reviennent une année et demie après, parce qu'il y a une demande? Oui, mais ça, oui, ça je l'ai fait. Et surtout, on le fait quand on est en tournée. Par exemple, la pièce que je vais jouer là, je ne l'ai pas jouée depuis janvier. Ok, alors comment ça se passe? Je refais. De temps en temps, je redis mon texte pour ne pas l'oublier complètement. Et puis, je le mets dans une espèce de case de ma mémoire qui est présente. Elle est toujours active. Donc, je ne mets pas un trait sur le texte. Et puis après, moi, ce que je fais, c'est que je le redis une fois par semaine, par exemple. Et puis voilà. Puis ça va, je le garde. Tiens, V'là la pluie. Il me tombe par le ciel d'orage, par un sound novembre à cheval sur les toits, un tonnerre de Brest avec des cris de joie. Allumé ses feux d'artifice, bon le son de sa couche en costume de nuit. Ma voisine apeurée est cognée à mon lit, en réclamant mes beaux offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux est parti faire son dur métier. Pauvre malheur mercenaire, contre un toucher de voir quand il fait mauvais gens, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En unissant le monde de Benjamin Franklin, j'ai la mise en assure entre mes bras câlins. Et puis l'amour fait le reste, toi qui sèmes les paratonnerres à foison, que n'a dû planter, je n'ai pas propre maison. Erreur en ne peut plus funeste, quand Jupiter à la et recouvrir de son courage, en vendant ses foyers, faire sécher son mari, en donnant rendez-vous les jours de ton pays. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuits, à guetter les statues, à lorgner les nimbus, à faire des yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son homme Marie avait tant fait d'affaires, pendant que ce soir-là, le petit bout de fer, qu'il était devenu millionnaire. Elle avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne peut. Il en est rien du tonnerre. Tu fais que ma complainte aille tambour battant. Que certains coups de foudre assassin dans les mythes de mon cœur a laissé des dessins d'une petite fleur qui lui ressemble. Hey mama, don't you treat me wrong, come and love your daddy all night long, all right. Hey, hey, ooh, all right. See the girl with the diamond ring, she knows how to shake her thing, all right. Hey, hey. Oh, rock and roll. Make me feel so good right now. Make me feel so good. Make me feel so good right now. Oh, make me feel so good. Make me feel so good. Make me feel so good. Oh yeah. See the girl with the red dress on, she can do the dog all night long. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Ah, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh to the mother I with a rattling of the fur. Comme le mentionnait Jim Morrison. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Mme Thibodeau, j'aimerais avoir du respect. Je te respecte pas. Merci. C'est qui, la grande croûte galeuse? Je te respecte pas. C'est moi. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange, la plus étrange. Moi, je te demande, là, une étrange de pâté chinois, une étrange de jambon, une étrange de, comment t'appelles ça, de raquerie, avec la fourche, là, à raquerie, une tranche, avec du sang de Rinaldien, bien mijoté, s'il vous plaît, avec des petits burgers. Exactement. Puis si vous avez des langues de pieuvre, 3-4 langues de pieuvre, c'est très, très bon. Pour cacher le goût peut-être un peu amer. Avez-vous déjà goûté, madame, de la langue de... Ben, moi, j'ai à part la langue de mon mari. Votre mari, moi, j'ai... C'est lors de mon mariage, oui. J'ai goûté sa langue. Ben voyons, c'est des cochonneries. Non, parce que je lui ai dit, hein, la veille, là, pour la seule fois de ta vie, mon chéri, je te ferai un French kiss, en tout cas, avec la langue. Là. Oh, c'est un French kiss, un French kiss. Que pas t'aller, chapitre, lâche la poche, chapitre. OK, bon. Alors, comme le mentionnait, ça, c'est une chanson grivoise. C'est une chanson de Coquelette. Coquelette Tremblay, qui a écrit beaucoup de chansons de perversion après la guerre. Laquelle? La guerre qui émanait de son couple. Oh! En 99. OK. 1900? 1899. Elle jouait du piano succinct. Ouais, il regardait pas de même. Du piano succinct, là, c'est coupé en deux. Comme une tarte. Comme un mariage. Comme les dividendes de notre amour. Mmh. Parce que tout allait bien. Moi, j'ai dit oui, on va signer. M'attendais pas, moi, à un moment donné, dessiner la rature. Là. Comme disait Brassens, l'anneau demande en mariage. Moi, j'aurais dit oui, mais la femme voulait vivre. « Oh, je veux vivre une princesse! Faites une princesse! » Je parle d'une princesse. J'ai jamais vu des affaires de même. C'est plus des boucles. On aurait dit Fifi Brindacier, mais dans un état, oui, lamentable. J'ai dit, tu peux pas jouer à ça, là. Les gens vont rire de toi. C'est une comédie Adelarpe. Non, c'est Adelarte. Mais c'est de l'italien, ça. Ben voyons donc, c'est pas autre chose que de l'italien. Adelarte, voyons. Moi, écoute, je suis allé à Venise en 98. On pouvait nager dans le bassin de Venise. C'est pas dans le jour bassin. On pouvait jouer dans le jour bassin. Ah, les grands succès de Joe Bassin, là, si tu n'existais pas, puis la colline, et puis... Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, hein? Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zin, zin, zin, zin, tout le monde ensemble. Zin, zin, zin, zin, tout le monde ensemble dans l'heure. Vous êtes en train de pétrir, vous? Zin, zin, zin, zin, vous faites du papier, allez-y. Zin, zin, zin, vous fumez du papier. Zin, zin, zin, zin, zin, papier. Zin, zin, zin, zin, zin, paper, paper, after me. Comme le mentionnait Jim Morrison, l'errance rénaldienne, c'est la mission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Là, ici, maintenant... Attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Ma belle Rita Bibelot, je te demanderais de te pencher un peu si tu rentrais dans l'encre de vipère. Ah, mon Dieu, celle-là est pas très belle. Non, elle est pas très, très belle. Ça, c'est des langues sales. Ne lavez pas de plancher avec ça, vous allez être obligé de repasser derrière de la langue. Ah, mon Dieu. Si la folie vous intéresse, la vôtre ou la mienne, je peux vous toucher des mots de la mienne. Je répète, si la folie vous intéresse, la vôtre ou la mienne, je peux vous toucher des mots de la mienne. Mais si je vous touche des mots de la mienne, faites-moi pas arrêter par la police, là. Moi, toute mon existence, là, a été cachée. On n'a jamais vu le jour. Je vivais que la nuit, moi. Pour pas ébruiter le complot que la planète tournait vers moi. Tout le monde me regardait, puis il me montrait du doigt. C'est lui, et les chats passaient là, dans la rue. Il me regardait d'un regard fêlé en me disant « Oui, c'est toi! » Quoi, comment ça, c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait? T'existes! Ben oui, j'existe, toi aussi t'existes. Oui, mais toi, tu devrais pas exister. Comment ça, moi, je dois pas exister, puis toi, tu devrais... Quel... Attendez, vous là, monsieur, vous êtes monsieur Rouen. OK, monsieur Rouen. Pourquoi? C'est bizarre comme nom, ça, monsieur Rouen. Avez-vous votre passe-terre? Avez-vous votre permis de conduire? Ben, c'est un... OK, moi, c'est peut-être un malade, un autre malade. Mets-moi dans un sac brun, puis ah ouais, donc, ah ouais, moi, ça, on comprend rien. On dirait qu'un mort, il a mâché 3-4 gommes, puis il a pété 3-4 bros, puis il vient de... Oh, je sais, t'es un habitif, un Rimouski, un Ramaskoui, tu viens de là-bas, toi? Moi, essayer de te comprendre quand même. Sois calme. Rabaisse ton poil, lève tes oreilles, puis cache ta queue. Moi, ça me rend agressé, moi, des rouins, il me regarde de même, puis il dit, comment ça, toi, t'es pas tout d'exister? Comment ça, moi, voyons donc. Lors de ma naissance, il y a de ça 300-400 ans, parce que moi, je suis né, il y a là, tellement, j'ai eu un brouillon, parce que j'ai, attention, avant de naître, là, moi, on m'a comme fait un croquis, une esquisse avec un crayon plomb, HB, 450, 37, 98, complémentaire 22. Là, on s'est dit, ils se sont pas dit. Ben, pour moi, ils ont tenté de dresser le portrait type de ce que je devais être aujourd'hui. Hey, c'est simple, c'est très simple. Donc, ils ont fait des brouillons. Ils se sont jamais entendus, là. Ma couleur de cheveux, ma coupe de cheveux, ma grosseur de nez, la latia, les moustaches, la svelte de mon corps. Là, ça a donné une chose comme ça, là. Puis, mais au moins, on m'a dit à la naissance, « OK, t'es comme ça, t'es écoute, nous te respectons. » Mais, merci madame, vous êtes bonne, je vous embrasse partout. Mais, tu auras le sens de la répartie. Et ça, très peu d'individus longs. L'individu long. Ah, pas lui. Lui, il a frappé hier au soir là, à ma porte. Là. Puis je me préparais à écrire des lignes de mon émission parce que c'est improvisé là, dans ma tête. Donc, j'ai textuellement, dans mon cerveau, comme dans une caverne, j'indique des points de repère. Ça a l'air de rien, là, hein? Des points de repère. Repère, mère, terre, austère. Ce soir, c'est austère. Oh, mon Dieu, elle est belle, hein, la petite austère. Elle a quel âge aujourd'hui? 19 ans. Bonne fête, ma belle austère. Je t'ai fait un petit cadeau. Petit cadeau très, très austère. Juste pour toi. La bougie, je l'ai mise à l'intérieur du gâteau. Je l'ai allumée, je l'ai recouverte avec du crémage. La flamme est encore là, oui. Tu me crois pas? Ben voyons donc. Je suis plus vieux que toi, tu devrais même croire. C'est l'expérience. Toi, t'en as pas d'expérience. Moi, j'en ai plein. Plein. À te donner, ce soir, y a un canapé tout allongé devant mes souliers. Ce soir. Puis, qu'est-ce que c'est quoi la phrase de Bukowski là, pour qu'on arrête, pour qu'on fasse jouer un peu de musique? C'est pochard ou poète? Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la porte exacte, je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors, ce récit. récit de l'étrange histoire de tes un amour transitoire, de belle au bois dans moi qui dort. De t'aimer je crains, de m'égaler, et je sème les reins de pavots sur les pavés de l'amour. L'amour. Tu sais ces photos de la vie, ah oui, c'est bon, hein, que j'ai prises à 200 hasards. Analogique. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème les grains de pavots sous les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème les grains de pavots sous les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de plein amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de plein amour. Qui arrive sur un plateau et qui n'est pas préparé, qui ont des difficultés avec leur texte. Ouais, ouais, c'est ça, et qui n'arrive pas à donner la réplique. Donc, toi, tu es déjà en attente Ben d'un travail que l'autre a pas fait. Ben oui, mais ça, c'est de l'humain. Ça, après, il faut toujours faire avec la personne que tu as en face de toi. Il y a des gens qui arrivent et qui savent leur texte. Ça, c'est génial. Parce que mais tu commences déjà. Que certains, lui, mais bien sûr, mais jusqu'au dernier jour. Okay. La veille, la meilleure. Tu sais pas, c'est très bien qu'on va faire comment. Donc, moi, ça m'est arrivé, mais beaucoup de fois. Maintenant, c'est de l'humain en face. Donc, y a des engueulades, il y a de l'attente, et il y a du. Tu prends sur toi. Tu dis, moi, je suis prête. Bah oui. Mais surtout, je veux dire, il y a un moment donné, il faut apprendre son texte. Quoi. Mmh. C'est pas possible. Mmh. Moi, je sais toujours mon texte avant la répétition. Parce que c'est comme ça, après, que je peux commencer à travailler et à me lâcher et à jouer. Donc j'apprends toujours avant le premier jour des répétitions pour pas avoir le texte en main au plus. Après il y a d'autres manières de travailler où tu travailles avec le texte pendant plusieurs jours, le metteur en scène te demande de ne pas savoir le texte par cœur, tu vois, tout ça. Puis ça permet d'apprendre aussi. Okay. Mais c'est vrai que j'aime bien savoir mon texte, comme ça je peux aller plus vite. Et puis en face, tu as parfois des gens qui savent pas, parfois des gens qui savent, ça tu fais avec, hein. Mais souvent ils sont peut-être reconnus aussi. Ah ben là, ce comédien là, on sait qu'il oui, a c'est vrai. Son texte. Au cinéma, lorsque tu as un dialogue à apprendre, est-ce qu'il arrive que le réalisateur dise improviser, puis on va voir après? Oui, bien sûr, oui. Ok. Bien sûr. Tu dois aimer ce genre de contact-là? Oui, avec oui c'est, mais ça fait peur, en fait. Ça te met dans une... Mais tu sais déjà le dialogue, donc tu peux... Tu sais déjà la situation de la scène. À peu près quelques dialogues, tu vois. Et puis après, on te dit... Mais souvent, dans ces moments-là, il y a eu des répétitions avant pour justement travailler les personnages. Pour que le comédien... finalement ce soit son personnage qui parle, la personnalité du personnage, et puis et il le laisse aller. Mais c'est pas facile, ça te met en danger, ces oui, situations là en déséquilibre. Et oui, bien sûr, mais c'est agréable. Louche, il travaille comme ça. Ben, c'est ça j'allais dire oui, bien sûr. Il y a des réalisateurs qui sont connus et reconnus, donc peut-être qu'il y a des comédiens qui sont prêts à dire non, Lelouch, l'école Lelouch ou Godard, qui est trop strict. Si tu n'es pas dans un semi-profil, même si tu y as... Oui, mais c'est passionnant de travailler avec des gens comme ça, parce que dans notre métier, ce qu'on aime, c'est bouger, travailler avec des gens différents, avec des... avec des techniques différentes. Donc chaque metteur en scène a sa technique propre, ou chaque réalisateur. Donc tu passes d'un univers à un autre, et c'est ça le comédien, c'est une éponge. Il doit se mettre, d'abord prendre tout ce que l'autre lui donne, et puis c'est aussi une pâte comme de la pâte à modeler, quoi. T'es devant le réalisateur et tu te mets comme un baba papa, quoi. Ah oui. Tu te mets dans la forme que veut le réalisateur. Alors tu te modèles à ce qu'il veut. Voilà, bah oui. Hey, j'ai des questions à poser, et on va voir comment tu vas réagir. Si tu étais. Quoi? Ah non, mais ça me fait rire. Ok, si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Du Coca Zéro. Ah, pourquoi? Parce que je bois que ça. Ah. Si tu veux que de l'eau, non. Il faudrait que je boive de l'eau, mais parce que c'est bon, l'eau, c'est la vie. Mais j'y arrive pas, j'aime pas l'eau. Et puis pourquoi light et non pas classique? Ah, bah parce que faut pas rigoler. 10 morceaux de sucre, ah bah oui, Si tu étais une ville. Venise, secrète et mystérieuse. Ah oui, ok. Si tu étais une langue, est-ce que tu y vas souvent? Ah, l'anglais. J'ai tourné à Venise. Ok. Donc j'ai pu aller me promener toute mais seule. Mais l'odeur est épouvantable. En été? Oui. Et pas en hiver. Non, mais le côté romantique, quand c'est l'été et qu'il fait chaud, c'est... Ah oui, non, mais ça... Ouais, ouais. Et puis, je suis allée aussi pour voir le festival, le carnaval plutôt de Venise. Donc, ça, c'est très beau. Et c'est une langue, c'est l'anglais? Ouais, l'anglais. Pourquoi? J'adore l'anglais. J'aime... Parce qu'en fait, ça chante. Mmh. Et je regarde beaucoup de choses en VO, les séries, les choses comme ça. Et je trouve qu'ils ont une fantaisie grâce à leur langue qui est supérieure à la nôtre. Alors nous, c'est génial, la poésie, et on peut faire plein de choses avec notre langue. Mais les Anglais, quand ils... Parce que je regardais beaucoup Friends à l'époque, en anglais, et chaque personnage avait une personnalité propre avec leur langue aussi, avec leur manière de parler. Je trouvais ça génial. Il y a un, tu vois, les trucs comme ça, je trouve ça, mais nous, on ne peut pas faire ça. En France. Hein. Oui, mais non, parce que ça, c'est des accents. Ouais. C'est pas... si tu commences à parler... C'est impossible. D'abord, je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Mais toi, déjà tu tangues aux flux et reflux des marées. Plus tu cries, plus profond j'irai.

Julie Depardieu. Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt. Avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt. Avec toi, pour un petit tour, un petit jour, entre tes bras. Petit tour au petit jour entre tes draps. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un flirt avec toi. Je pourrais me damner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour. Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu, pour un flirt avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. Après une pièce sur ou toute une saison avec de la langue marseillaise ou tout, ça on le voit, même la série en France très connue sur Marseille qui se passe à Marseille, ouais, c'est Plus belle la vie, ouais. Voilà. C'est quand même, il n'y a pas du tout l'accent marseillais, mm-hmm. Il doit y avoir une personne qui a l'accent marseillais, ouais. C'est chaud quoi, c'est bizarre, ouais, c'est ça, c'est... Et, mais parce que je pense que personne ne supporte pas, c'est possible, mais c'est con en même temps ce que je dis, parce que regarde les films de Pagnol. Ce qui est génial, c'est aussi cet accent. Oui, c'est ça nous amène direct le soleil, ça nous amène une ambiance, tu sais, un temps comme ça suspendu. L'accent. Et c'est ça qu'on aime. Donc finalement, c'est une bêtise peut-être qu'ils ont fait de ne pas prendre des gens avec l'accent marseillais. Parce que c'est. Les stars, oui, voilà, bah, c'est toujours la même chose, donc il y a vraiment des problèmes. Mais c'est vrai que. Moi, j'aime l'anglais parce que pour moi, c'est. Enfin, j'aime bien. Et en plus, l'anglais m'amène toute une ambiance de vie. Je sais pas, l'Angleterre, l'Amérique, tout ça, c'est des rêves pour le petit français qui est là. Tu sais. Je suis allée à New York récemment et pff, Ah, ok, t'aimes ça, j'aime ça, hein? Parce que c'est lumineux, c'est... Et puis pour nous, j'avais l'impression d'être finalement chez moi, parce que j'ai tellement vu de séries, de films, de choses comme ça, que je connaissais cette ville par cœur. Et là, enfin, j'étais dedans. Devant le fait. Là, voilà, c'est ça. Si tu étais une époque... Une époque, alors ça serait... l'époque de Louis XIV, les grandes robes, ah oui, oui, okay. Les grandes, les perruques, les trucs où tu t'évanouis et tout le monde est malade parce que c'est dégueulasse. Mais ou sinon non, sinon je serais dans les années dans les années 50. Alors ça rapporte toujours avec oui. La mode finalement, parce que l'élégance de la femme à l'époque des années 40, 50, 60. Chanel, Catherine Hepburn, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe. Cette élégance-là, moi, me fascine. Et parfois, quand je regarde, j'ai mes périodes où je regarde beaucoup de films de cette époque-là. Et après, j'essaie de m'habiller comme ça, j'essaie de marcher comme elle, de parler comme elle. Parce que c'est tellement plus beau. Je me dis, mais maintenant, regarde, on est habillé comme... C'est plus drôle, il n'y a plus d'élégance. Moi, c'est ça que j'aimerais... J'aimerais tourner dans des films comme ça, d'époque. Où on revient, voilà, d'époque, et où on a une élégance, où on amène l'homme ou la femme d'ailleurs. Et on était élégant. Et maintenant, on est relâché. Ouais, on est relâché. L'époque relâchée. Si tu étais un mot. Un mot, ça serait. Attends. Qu'est-ce que j'aime comme mot aussi? Ah, je pensais que tu avais un mot déjà là que tu allais sortir. Ah, muguet, le muguet. Le muguet? Okay. Muguet. Ok. J'aime bien la sonorité, mais j'aime surtout ce que ça représente. D'abord, la fleur, c'est ma fleur préférée. Et ça représente la chance alors. Ok, tu es très superstitieuse. Non, pas tellement, parce que je ne le veux pas. Sinon, ça peut être une maladie. Oui, donc j'essaye de ne pas l'être. Si tu étais un aliment. Un aliment, de la purée. Ok. J'aime bien ça. Si tu étais une saison. Le printemps. La renaissance. Oui, voilà. Après l'hiver, lourd et. Voilà, c'est ça. Les choses où tout. Même les vêtements commencent à. Exactement. Bon, surtout en ce moment, tu vois, on a beaucoup de chance. Là maintenant, c'est l'été. Bon. C'est très frais, oui. Très frais. Mais non, effectivement, le printemps, parce que ça tout renaît. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel ça serait l'oreille. Une oreille attentive. Voilà. Une oreille radiophonique. Ouais, c'est ça, tu vois, toujours ça fait peur. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée, l'après-midi. Comme le moment de la sieste. Ah oui, mais ton chien, on peut voir qu'il fait la sieste. Ah oh, ben elle a de la chance. Ah, oui, elle est dans un sac en plus. Oui, oh là là. Si tu étais un autre individu. Je vais recommencer à chercher, moi, alors. Marilyn Monroe. Ah oui? À quelle époque? Avant la chute? Bah avant 62, c'est sûr. Quand elle est partie des studios, qu'elle est montée à New York pour apprendre et créer sa production à elle, donc prendre son indépendance et dire merde à tout le monde et dire vous avez besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin de vous. Ah ouais, voilà. L'indépendance de la femme. Ah oui, ça, non. Tonight, Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon, pourtant, je ne suis que du fille. Mais quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, comme un garçon, je n'ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon, pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis avec toi, oh, je ne suis qu'une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Comme un garçon, j'ai des cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon. Toi, tu n'es pas très attentionné, t'es décontracté. Mais avec toi, je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Petite fille, et c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Si tu étais. Ah oui, à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? À choisir, est-ce que je ferais le même chemin? Écoute. Maintenant, tout de suite, je te dirais non. Je pense que j'aurais voulu commencer plus tôt. J'aurais dit à mon père, d'accord, je vais passer mon bac. D'accord, je vais apprendre le métier, mais tu vas m'aider à rentrer dans le métier. Parce que quand tu commences tard, c'est très difficile. Quand tu commences tôt, c'est très difficile aussi de durer. Mais si c'est ta passion et que tu apprends et qu'en même temps que tu travailles... Sur le tas, comment ? Oui, sur le tas. Et en même temps, tu prends des cours. Ah oui. Mais tu as commencé, tu as mis un pied dedans. Jumelle, voilà, tu as mis un pied dedans et donc tu es déjà un petit peu dans le truc. Et tu te fais voir, donc. Et tu te fais voir. C'est plus intéressant. Donc peut-être que j'aurais commencé plus tôt. Ok, donc tu as un petit regret. Non, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un regret, mais peut-être, oui, un petit regret de ne pas avoir commencé plus tôt. Alors oui, effectivement, de ne pas avoir mis le pied dedans. Et pourtant, j'étais dedans parce que j'étais de la famille. Mais non, je n'ai jamais rien fait avant d'avoir appris. Et c'est vrai que ça aurait peut-être été plus facile, je ne sais pas. Est-ce que tu sens que pour toi, ça commence à marcher, à rouler? Oui, parce que ça fait très longtemps maintenant que je travaille, très longtemps, n'exagérons pas, mais ça fait un petit moment maintenant que je travaille au théâtre, qu'on me propose des rôles, donc ça monte petit à petit, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, et tant mieux finalement. Ouais. Et les fresques de ton nom, oui. Ton nom, est-ce que ça te dérange aujourd'hui? Non, pas du tout. Parce qu'il est comme ça, c'est, il est toujours en train de provoquer et ça fait partie de lui. Et c'est lui, et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Ce gros personnage-là, si abondant en tout, c'est ça qu'on aime. Et non, ça ne me dérange pas du tout. Puis en plus, moi je suis assez partisane du « on fait ce qu'on veut », alors... Vive et laissez vivre. Oui, ah oui. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, on t'en parle pas? Si, bah bien sûr que si. Alors ça t'emmerde pas à la langue? Bah non, sauf... C'est vrai que récemment, avec ce qu'il a fait, c'est, les gens donnent leur avis, et en particulier à moi. Ouais, alors ouais. Moi, je suis très contente de savoir les avis des gens, mais bon, il y a un moment donné, surtout je que m'en c'est fous. Pas toi, c'est pas bah toi. Ouais, c'est pas moi. Mais non, mais effectivement, tout le monde me parle toujours de ce qui se passe dans la famille. Mais et alors, c'est ma famille, et ça fait partie du truc aussi. Il ne faut pas, et je ne dois pas, et je ne veux pas cracher sur ça, puisque c'est la famille, et c'est aussi ce qui m'a permise, parce que je ne suis pas innocente, je ne suis pas folle, de travailler un peu plus facilement que d'autres qui ne viennent de nulle part et pour qui c'est encore plus difficile. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai appris et que je veux travailler et être légitime pour justifier ce nom. Tu vois ce que je veux dire ? Pour qu'après, on connaisse mon prénom plutôt que mon nom. Est-ce que c'est lourd ? Apporter non parce que je suis en admiration de cette famille. Après, faut juste le savoir, quoi, que t'es pas là que parce que tu t'appelles Delphine. Faut être un tout petit peu honnête, mais non, c'est pas. J'ai jamais vu ça comme quelque chose de lourd, en tout cas. Non. Parce que je les adore, je suis admirative et j'ai qu'une envie. Un jour, c'est de jouer en face de lui, en face de Gérard, et puis d'adorer. La situation comme n'importe quel comédien qui se trouve en face de Gérard Depardieu. Tu vois. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare ou tu ne sais pas du tout, tu ne peux pas en parler? Bah écoute, à force de le dire, il y a bien un truc qui va se préparer un jour. Mais je l'espère. J'espère vraiment un jour tourner avec lui. Ça serait un super truc pour moi. Oui. Êtes-vous loin ou au contraire? Non. Mais en même temps, lui, il voyage beaucoup. Oh, ouais. Mais vous êtes prêts? Oui, on se voit quand il est là, on se voit de temps en temps, il me alors donne des conseils. Alors c'est quoi inaccessible pour toi ? Bon non. Mais c'est pas non plus, les Depardieu, tu sais, c'est une famille particulière et puis ils travaillent beaucoup. Donc, et puis lui, de toute façon, il est toujours en voyage, toujours en tournage. Moi, je suis en lien proche avec sa fille Roxane. Pas Julie, parce que Julie, elle travaille beaucoup, puis elle a sa vie, sa carrière, sa famille. Mais avec Roxane, qui elle habite aux États-Unis, qui est à l'école Disney. Avec elle, dès qu'elle est à Paris, je la vois. Enfin, on est assez proches. Donc, mais les familles, c'est particulier. Donc tu ne vois pas toujours tes oncles, tes tantes, tes machins. Mais quand je le vois, ça se passe très bien. Alors Delphine, on va te voir au théâtre peut-être l'année prochaine. Oui. Qui sait, au cinéma. Et oui, il y a des choses qui se préparent. Oui, le théâtre, ça sera en tournée, donc. France, Belgique et Suisse. Et au ciné, il y a un film qui va sortir octobre, novembre, je ne sais plus, j'ai pas encore la date exacte, qui s'appelle Hasta Mañana. Okay. C'est un film de Olivier Vidal et Sébastien Maggiani. Et ça aussi, c'est un duo de réalisateurs très particulier, puisque... il y en a un des deux qui avait 16 ans à l'époque du film. Donc tu vois, c'est ce genre de personne, de jeune qui a un talent fou et tu le regardes, tu fais bon bah toi, on a compris, okay, ouais. Tire à loin. Et donc voilà, ce film sort octobre ou novembre de cette année. Et puis après, il y aura beaucoup d'autres choses. Le rôle d'une psy. Okay. Voilà. Et donc, c'est à voir au Québec, incessamment. Ah, ben, on l'espère. Ben oui. Ben écoute, le cinéma est fait pour être. Pour voyager, exactement. Ben merci, la fille. Merci. Et à toi. À la revoyure. Au théâtre. Oui. Salut. Salut. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed. But you, and now you go away. Oh, don't you know that now you're gone, and I'm left here on my own. Now I have to follow you and beg you to come home. Say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, oh, believe me. Oh, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. When the saints go marching in, go marching in. When the saints go marching in, oh yes. I wanna be, oh, in that number. Oh, when the saints go marching in. And when the saints, oh, when the saints go marching in, go marching in. Who's gonna play on the day when the saints go marching in? Well, Louis, I'll explain that now. The mostest and the greatest, from the oldest to the latest, gonna play in the band in the great grandstand when the saints go marching in. Louis, what about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid man. And Bach, that great old master? Yeah, that great old master was a gasser. Yes, but Mozart the most with all he had. With the symphonies and operas and all that jazz. When the saints go marching in. Do you dig Rachmaninoff? On and off. Rimsky? Of course, of course. Ravel and Gustav Mahler. Yeah, but don't forget Fats Waller. I wouldn't do that. List adds a twist that you can't resist. Yeah, yeah, but list on that list. When the saints go marching in. Here we go, Louis. When the saints, oh, when the saints go marching in. With this cat digging me. When the saints go marching in. Face and all. I want to be in that number. Sanson and George Bizet. Très, très Bizet. Butant, soupe, machinée. And often, Bob. Do you dig him, Jacques? Very often. Well, Frère Jacques, Frère Jacques. I dig you, Jacques. I dig you, Jacques. Massenet and Bizet. How about Wagner? Devout. And Haydn? Who? Joseph Haydn. Who? Haydn. Well, let him come out. Paganini. Rossini. Toscanini. Puccini. Pacciaturian. Gozantai. Thank you. And what's his name? Mr. Vitaliza. And you know that Skeet Liza. と語り合うときはここがいいよ道端に並んだベンチがお金のいらない街角の赤いベンチで